Comme une oreille. Une émission de musique. Une émission de musique sous licence libre. Bonjour, c'est Comme une oreille. Émission de musique sous licence libre, thématique du mois, la cassure, la rupture, l'échec, et toutes ses joyeusetés et ses vertus. Et donc sélection de musique sous licence libre comme d'habitude, on a cherché par mots clés, on est tombé sur des choses très très intéressantes et très variées. Et une fois n'est pas coutume, on va commencer par un morceau de Bossa Nova. Avec un monsieur qui a enregistré un morceau en 2007, assez peu de renseignements sur ce chanteur qui s'appelle Hervé, avec un R et un V. C'est tiré d'un album qui s'appelle A Rio et le morceau s'appelle Cassure. De tout ce temps, rien n'est plus comme avant. Tout est cassé, tout est fini. Tant pis. La perte de nos sentiments. Au milieu jouent les enfants, témoins de nos déchirures, cassures. Pourtant je t'aime et tu ne le vois pas. Pourtant je t'aime, voilà. Jalousie, stupidité, deux amis à éviter, tous les jours en plein azur, cassure. Tant de haine, tant de souffrance, trop de place pour la violence, pas de répit sous ce ciel bleu, adieu. Pourtant je t'aime et tu ne le vois pas. Pourtant je t'aime, voilà. Tumbap, tumbadabadabapai, tumbidabadabada, tum tum. Tabadabadabata, tiyup tap tabudimipai, tumbedap tumbudumbaya, tum tap tai. Pourtant je t'aime et tu ne le vois pas. Pourtant je t'aime, voilà. Ti-yap, ti-ti-yap, ti-ti-yap, ti-ti. À l'instant, nous venons d'écouter Trotsky Nautique, qui faisait une reprise de Jean-Luc Le Ténia. Jean-Luc Le Ténia, qui était un chanteur, une sorte d'icône de la musique lofi, un gars du Mans qui a beaucoup chanté, qui a été extrêmement productif. Je crois qu'il a fait pas loin de 500 morceaux. Et qui faisait des concerts tout seul avec sa guitare, très tout à fait dépressif. Il a fini par se suicider quelques années plus tard. Et donc ce morceau, La Seule de nouveau, repris par Trotsky Nautique. On va enchaîner dans les choses festives, toujours sur Comme une oreille, les musiques sous licence libre sur le thème de la cassure en ce mois de mars 2018. Et on va continuer avec un groupe qui s'appelle Muy Bueno La Bonita. On reviendra pour l'expliquer après, d'une chanson qui s'appelle La Cassure, et on enchaînera avec un groupe folk d'Eric Clegg avec Failure, qui je sais pas comment on peut traduire en anglais, c'est l'échec. Ouais, l'échec, ou des fois là aussi des notions de rupture. Comment tu dis ? Le ratage. Le ratage, ouais. Raté, voilà. Muy Bueno La Bonita, qui est trouvé sur le site de Jamendo. On va aussi un peu. C'est un peu une de nos sources aussi, et le deuxième sur Free Music Archive, qui reste la bible des musiques sous licence libre. Oui, qui n'ont pas tout à fait la même utilité. En fait, Jamendo est vraiment une sorte de société en fait, qui gère des musiques sous licence libre et qui propose du coup pas mal de contrats. Il y a toute une partie de Jamendo qui propose des contrats aux entreprises, aux bars, ou aux monteurs de films ou de publicité, avec des contrats prédéterminés avec des artistes qui diffusent leur musique sous licence libre. C'est une entreprise française, Jamendo. Muy alors bueno. Que Free Music Archive, c'est américain. Muy Bueno La Bonita. La cassure. Le rythme hispanique. We'll be right back. nothing is possible. You are impossible to ignore. And I am above. The sun does not shine itself on me. I don't believe in this. Nothing's ever more. Derek Klang qui nous chantait qu'il était un échec lui-même et qu'il échouait tout le temps. Derek Klang, c'était un musicien donc de pop folk américain de Chicago et qui a produit 12 albums. On a trouvé ça sur Free Music Archive. Donc. Voilà, un morceau qui s'appelait Failure. Ouais, dans les genres de voilà, country, folk, indé, vous pouvez trouver, il y a plusieurs chansons sur Free Music Archive. Voilà, très, très entraînant. Ouais, c'est pas et, mal. Hein. Et il a fait 12 albums, déjà, dans ce genre-là. Et juste avant, c'était Muy Bueno la Bonita, qui est un groupe français, et qui, on a très peu de choses sur lui, mais qu'en tout cas, on nous dit que c'est un... que le projet est né uniquement d'un ordinateur et de deux guitares, une guitare folk et une électrique, et qu'il est autodidacte, et qui, je cite, remercie tous ceux qui le soutiennent et qui l'aident, c'est-à-dire pas beaucoup. Donc encore un grand merci à eux. Voilà, vous le trouvez sur jamendo.com. C'était la chanson La Cassure. Oui, c'est La Cassure. Oui. C'est ça qui est bien avec ces musiques sous licence libre, c'est vraiment, on retrouve plein de choses très... très très très amateur et c'est assez agréable à écouter, moi je trouve. Donc voilà, on enchaîne avec un groupe qui s'appelle Failure, donc le même mot que tout à l'heure, l'échec. Les accents anglais sont pas forcément très bons de ce côté-là du micro. Le morceau est sans titre. En fait, vraiment, il y a un titre, c'est sur Free Music Archive, mais il est imprononçable, c'est dans une une comment on appelle ça, pas une, ah oui, une c'est écrit en grec ou un truc, voilà, comme ça, c'est en cyrillique, donc voilà. Voilà, merci, ouais. Cyrillique, donc on va avoir du mal à vous le prononcer, mais c'est en, voilà, c'est une des dernières chansons dans les musiques un peu douces folk, une musicienne très entraînante. Ouais. Après, on attaque des trucs plus bizarres. Voilà, il y aura des petites surprises un peu plus torturées après. Qui vont bien avec le thème, hein. Donc le thème de la cassure, de la, du ratage, tout ça. Failure, et ce morceau en cyrillique. Une impro électro, guitare, harmonica. On a vraiment zéro info là-dessus. On a trouvé ça sur Free Music Archive parce que le morceau s'appelle, enfin le groupe semble s'appeler Failure, ou le musicien, la musicienne, on sait pas trop. Ça renvoie sur un site russe qui n'a absolument rien à voir. On a vraiment zéro info là-dessus. Bon, une impro guitare harmonica qui malgré mais tout, c'était c'est un bon morceau. Ouais, ouais. Et on reviendra sur une Failure un peu plus tard. Voilà, qui semble pas être les mêmes artistes qui ont composé. Mais qui sont en lien, en tout cas, sur Free Music Archive. Voilà, et il y a des mots notés en russe. Voilà. Donc vraiment, on n'aura aucune info là-dessus. On va enchaîner avec deux morceaux. Là, on va passer avec de la parole. Un premier morceau qui s'appelle Rupture, de Distrayant Pur Sang du Bitume, dont on aura quelques infos plus tard. Trouvé sur Jamendo, ouais. Très, très intéressant. 10 plus loin, Trayon. Puis après, on va passer un morceau à partir d'un disque vinyle, hein, vous savez, avant. Et oui, on espère que ça va passer. C'est un groupe que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est un groupe de hip-hop qui s'appelle L'Oiseau Mort, un projet autour de Grenoble, et des gens qui étaient aussi dans les compilations Tenia Solium, mais vraiment c'est super bien fait, ça s'appelle Crash Test. Donc maintenant, Rupture par Distrayant Pur Sang du Bitume. Rupture. Depuis 2 mois, Victor est victime de spleen. Il rentre plus dans son jean slim. Elle lui manque tellement, il compense avec des aliments sa pénurie de sentiments. Sur lui, les vagues à l'âme s'acharnent. Dans ses yeux a disparu toute lueur. Elle a mis le feu à son cœur. Il ne trouve pas l'extincteur. Il a ouvert son cœur. Elle l'a rempli de rancœur. Ses yeux provoquent des pluies diluviennes lorsqu'il prie pour que sa demoiselle revienne. Malgré son hygiène irréprochable, la sentence est irrévocable. Flashback l'envahit sans cesse, elle l'agresse comme une tigresse, elle veut que leur relation cesse, leur mariage fait naufrage. Elle dit qu'il la saoule, il a les boules. Elle l'a blessé, s'est vexé. Elle pète la forme, il pète les plombs. Elle fait la fête, il fait la tête. Il se prend la tête, elle change de mec. Son cœur, elle l'a rempli de rancœur. Ses yeux provoquent des pluies diluviennes lorsqu'il prie pour que sa demoiselle revienne. Malgré son hygiène irréprochable, la sentence est irrévocable. Il n'arrive plus à voler sans elle, comme un oiseau dépourvu de ses ailes. Il traverse une mauvaise passe, ça lui donne d'espace, mais il cherche sa place dans l'espace. Cette zone de turbulence anéantit tous ses sens. Le souvenir de son sourire le fait souffrir. Il a ouvert son cœur, elle l'a rempli de rancœur. Ses yeux provoquent des pluies diluviennes lorsqu'il prie pour que sa demoiselle revienne. Malgré son hygiène irréprochable, la sentence est irrévocable. Il a ouvert son cœur, elle l'a rempli de rancœur. Ses yeux provoquent des pluies diluviennes lorsqu'il prie pour que sa demoiselle revienne. Malgré son hygiène irréprochable, la sentence est irrévocable. Les anti-nano ont fait tellement de bruit qu'ils ont empêché toute discussion. À peine le temps d'ouvrir la bouche, le président de la commission ne pourra pas aller plus loin. Les anti-nano ont réglé leur opération vocale comme du papier à musique et crescendo. Tu ne savais pas que au conseil municipal, on savait pas, à l'université, on savait pas, les laboratoires, on savait pas, au ministère de la Défense, on savait pas, dans les rayons high-tech, on savait pas, au commissariat, on savait pas, que tu ne savais pas, que tout ça avait été décidé sans toi. Depuis les tréfonds de la société de consommation, à satiété, ingurgité, une liste de gadgets sans nom, l'inutile rendu indispensable parce que c'est toi, le cadenas au bout de leur chaîne de montage. Une merde de plus qui t'apportera en vrac le bonheur. Elle tombe sur le même axe que celle des rongeurs que nous sommes, cobayes captifs élevés en plein air vicié. Libre de respirer notre quota de particules nocives ou de fermer la bouche en attendant l'asphyxie. Tu ne savais pas que la science-fiction, c'est l'usine d'à côté. Qu'on en crève n'est qu'un risque à évaluer, une éventualité sous cellophane. Des salles blanches aux têtes de gondoles, tout n'est qu'un flot de nuisance à gérer paisiblement. Depuis un bureau d'études terré au fond d'une tranchée de chiffres, tu ne savais pas que c'est la guerre et ton corps mu en testeur occupe la première ligne. Après tout, un prototype à inhaler, c'est pas la mer à boire. Et puisque tout le monde l'a déjà, cette camelote qui réduit ton espérance de vie, pourquoi pas toi? Tu ne savais pas que au conseil municipal, on savait pas, à l'université, on savait pas, les laboratoires, on savait pas, au ministère de la Défense, on savait pas, dans les rayons high-tech, on savait pas, au commissariat, on savait pas, que tu ne savais pas, que tout ça avait été décidé sans toi. Tant que la foule docile se réfère aux experts, on peut s'amianter la gueule ou se lamenter d'être largué. De toute façon et de toutes les manières qui soient, le confort et tout son cortège sordide nous suffit. Surtout ne rien penser et vomir sans comprendre pourquoi les saloperies qu'on nous dit sans danger. Notre rôle dans l'histoire, c'est de finir à coup sûr en victime, assis au premier rang à la place du précédent macabé, fermement harnaché pour le lancement du crash test. Tout ça ressemble étrangement à un suicide collectif, c'est ça sourit. Tant que tu as encore des dents pour mordre à l'hameçon, mais tout va bien, tant qu'on s'alimente par intraveineuse, tant qu'on salive seulement pour cracher du sang. Bienvenue sur le tapis roulant de la vie, nous allons prendre soin de vous. Ne bougez pas trop s'il vous plaît, ce modèle-là n'est pas au point. Et quand on sera assez amorphe, nos chercheurs trouveront le remède à tout ça, un nano-cerveau pour supporter un tas de mollusques en attendant la marée basse. Voilà, c'était L'Oiseau Mort avec la chanson Crash Test, musique et projet d'un groupe de hip-hop qui tourne autour de Grenoble. Comme je vous ai dit juste avant, ça a été enregistré entre 2009 et 2011. Et comme le disait Jean-Baptiste, en vinyle, ça existe encore et ils expliquent un peu, je vais aller vite, mais ils ont combiné différents genres, à la fois pour la production, le pressage, ça leur a coûté 1 700 €. Ils disent quand même le vinyle est à prix libre, ça leur revient à 3 €. Ils ont travaillé avec un atelier de sérigraphie qui s'appelle le 103 à Grenoble, qui est un atelier autogéré dans un superbe lieu qui existe depuis 30 ans, le 102, un espace de musique expérimentale aussi autogéré. Voilà, bah vous le trouvez en vinyle. Et sinon, ils ont un superbe site, c'est oiseau.mort.free.fr, et là, vous pouvez écouter, voir le projet et télécharger, pas en vinyle, mais en CD MP3, cet album et les autres. Voilà, et l'album s'appelle Soubresaut, voilà, de L'Oiseau Mort. Qu'est-ce qu'ils disent à la fin là ? Vive le prêt, le don, la copie, le piratage, le sample, le téléchargement, la gratuité et l'anarchie. Très bien. Bien vu. Et juste avant, distrayant pur sang du bitume. Pareil, on a trouvé ça sur Jamendo, ce site Jamendo, mais aucune info sur ce type qui a fait un très bon album. Du coup, c'est quand même très intéressant ce qu'il fait. Il a fait qu'un seul album. Impossible de trouver quoi que ce soit sur la toile de lui. Mais c'était le morceau qui s'appelle Rupture. Donc on lance un appel, on adore découvrir des musiques et des groupes, vous avez des projets énormes, mais c'est vrai que si vous mettez quelques lignes, ça nous aide aussi à vous présenter, si vous avez envie. Hein. Si vous voulez rester anonyme, restez ainsi. Sinon on les écoute comme ça et puis on vous les fait écouter comme ça aussi. On les découvre un peu avec vous, hein, tous ces gens-là, vous entendez. Hein. On réécoute du coup, enfin on écoute ce nouveau morceau a priori russe dont on a encore moins d'infos que pour distrayant pur sang du bitume. Le groupe semble s'appeler Failure. C'est tiré d'un album qui semblerait s'appeler Liar, menteur. On écoute ça. Voilà, c'est beaucoup moins doux que le premier échec. C'est vrai, mais par contre, il déboîte ce morceau. Allez. Brut. On enchaîne avec un morceau qui s'appelle We Shall Overcome de No Peddlers. On en reparle après, mais We Shall Overcome, c'est. Il faut surmonter tout ça. We will overcome. We Shall Overcome. C'était un groupe qui s'appelle No Peddlers, qui est composé de deux activistes américains qui s'appellent Colin Lungeons et Jonah Rapino, et qui depuis une vingtaine d'années enregistrent des cassettes, des CDR, font des petits films, le tout dans un esprit très tout fabriqué soi-même, et ils tiennent aussi un label qui s'appelle Mass Dist. Qui produit énormément de musique assez expérimentale, comme ça, des choses qui sont fabriquées de briques et de broc, et qui est assez intéressante. Ils viennent depuis la semaine dernière, donc on est en mars 2018, la semaine dernière, ils ont terminé de mettre en ligne sur Free Music Archive l'ensemble de leur label. Ils sont assez peu connus. Ils ont eu seulement dans le label Mass Dist, il y a eu un groupe qui a fait un petit peu parler de lui dans la scène indépendante dans les années 2000, qui s'appelait USA is a Monster. Voilà, un groupe de folk punk, folk expérimental. Et voilà, c'était No Peddlers, We Shall Overcome. Nous devons surmonter. On revient donc toujours comme une oreille sur les ondes de Radio Zinzine, thématique sur la rupture, la cassure. On va écouter trois morceaux plutôt rock. On va commencer par quoi? Rock punk, ouais. C'était bien torturé avant. Là, ça va être un petit peu plus doux, mais ça reste quand même très rock'n'roll. Et il y a un premier groupe que je vais essayer de pas décorcher qui s'appelle Guns and Blumren. Ouais, t'as pas fait d'allemand à l'école, toi. Non, mais j'en ai fait ensuite pourtant, avec une chanson amputée Hertz, et c'est le cœur amputé ou le cœur fracturé. Et on enchaînera avec le groupe Chafouin, qu'on aime beaucoup et qu'on vous passe souvent, un duo guitare-batterie avec Massicotte Moissa. Et on va faire un triptyque avec un autre groupe qui s'appelle Kuma, avec la chanson Casse-Brique, et on revient vous les expliquer après. Donc Guns and Guns Blumchen. Merci. We'll be right back. c'était à l'instant Kuma avec la chanson Casse-Brique. La bonne cassure, bonne découverte. Et on l'a découvert pendant cette belle soirée de Commune Oreille avec les concerts de Petra Piedbiche et Enfance Sauvage. Et il y avait un info-kiosque, une distribution, comme on dit, de différentes compilations et groupes. Et où, eh ben, entre autres, on a découvert ce Kuma, où on n'a pas beaucoup d'informations, mais en tout cas, c'est issu de son album, issu de leur album brésilien Blaout. Et donc, il y a Romain au sax baryton et au clavier, Damien Cluzet à la guitare. Baryton. Baryton et Léo à la batterie. Voilà, c'était donc Kuma avec Casse-Brique, juste avant Chafouin, qu'on adore, duo. Aussi d'Aurélien qui est dans différents groupes, on vous a déjà passé Marilyn Rambeau, ça s'appelle Massicote-moi ça. Voilà, ils ont un label, mon cul c'est du tofu je crois. Non là c'est sur Epice Records. Ah oui c'est une autre. Qui est le label d'Aurélien en fait. Voilà et avant c'était un groupe dont je vais te laisser prononcer le nom que tu les connais bien en plus. Guns N' Guns Sublimation, c'est donc un duo franco-allemand. Que peut-être on fera venir dans nos contrées du côté de Fort Calquier. Et voilà, c'était Amputated Earth. Et ils ont fait un split aussi avec un autre groupe qui s'appelle Analog Ruins, pareil que j'ai découvert dans cette distro de La Loutre, qui a une distribution qui est sur le plateau des Mille Vaches, côté ouest français. Voilà, La Loutre par les cornes. Merci pour tout. Voilà, pour le côté rock'n'roll. On enchaîne avec un morceau qui s'appelle Failure, encore, d'un groupe qui s'appelle Female. Et ensuite, Surfer Blood, Matter of Time, une question de temps. Overwhelming lack of water. Even the stars up here in the sky look like a mess. We'll be right back. Donc là, à l'instant, Surfer Blood. Surfer Blood, qui est un groupe de rock indé, un peu surf, du coup, de Floride. Ça s'entend. West Palm Beach. C'était un morceau qui s'appelait Matter of Time. Matter of Time, c'est une question de temps. En émission communautaire sur la cassure, la rupture. On a passé un morceau aussi qui s'appelait Il faut surmonter. On devrait surmonter. Bon, tout ça est une question de temps. Ça va bien avec la thématique, non? Et Surfer Blood, qui est quand même très surf, j'appuie quand même. J'avais pas vu, mais ils sont comparés à des groupes, si ça vous parle, de Weezer, de Pavement et Build to Spill. Alors, plein de niveaux. Mais moi, en tout cas, j'adore hein, Pavement et Weezer. J'avais pas vu ça. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. Ouais, il y a un peu de Weezer quand même dans leur manière de chanter, de jouer. Et donc là, c'était un enregistrement à la radio WFMU à la fin de l'année 2017. Une radio qui diffuse tout son contenu sous licence libre sur le site Free Music Archive. Et puis là, on arrive sur la fin de cette émission et on va écouter un morceau qui s'appelle... Le titre en anglais est un peu compliqué à traduire, mais grosso modo, ça pourrait vouloir dire... Failure to Beton. Alors, je vais essayer de le retrouver en entier. Et en attendant, il y avait un groupe juste avant qui s'appelait Female, qu'on vous a passé avec une chanson aussi qui s'appelle Failure, donc l'échec, la rupture que vous trouvez sur Free Music Archive. Voilà, une ambiance plus, même électro, expé un peu, mais qui est aussi une belle découverte, Female, avec des musiciennes aussi, entre autres. Je sais plus d'où ils viennent, mais voilà, c'est leur album qui s'appelle Root Terror. Voilà, mais vous trouvez l'album complet en tout cas sur Free Music Archive. Et plusieurs albums d'ailleurs, il y en a 18. D'accord. Mais il n'a pas de label. J'ai l'impression que c'est un projet solo, mais c'est pas tout à fait sûr. Et donc du coup, revenir sur ce dernier morceau là qu'on va écouter, c'est un morceau de Winger 3. Qui est aussi là un truc électro réalisé en 2016 sur un net label qui s'appelle Digital Didi. Le morceau s'appelle Failure to Better Oneself by One's Own Unaided Efforts. Et on pourrait traduire ça par l'échec pour s'améliorer, pour améliorer soi-même. Par ses propres efforts sans aide. Ouh, très mauvaise traduction, hein, mais bon. En tout cas, les vertus de l'échec, rebondir après l'échec, c'est peut-être un petit peu la conclusion qu'on peut apporter à cette émission comme une oreille de mars 2018. Voilà, musique sous licence libre sur le thème de la cassure. Voilà, dernier morceau, ambiant, électro, et on vous dit à bientôt. À bientôt. De Vinger Free pour cette fin d'émission de Comme une oreille sur la cassure mars 2018. Et on vous redit ce que vous avez pu écouter. On a commencé par Hervé et Cassure en bossa nova. Trotsky Nautique qui reprenait Jean-Luc Le Ténia. Après Muy Bueno La Bonita avec la cassure et Derek Clegg avec Failure. Un morceau sans titre d'un groupe qui semblerait s'appeler Failure. Après c'était Distrayant avec Rupture et L'Oiseau Mort avec la chanson Crash Test hip-hop de Grenoble. Un autre groupe qui semblait s'appeler Failure. Sans titre, voilà, on fait avec ce qu'on a. No Peddlers, Guns and Guns Oblumption. Après c'était Chafouin avec Massicotte Moissa et le groupe qui se nomme Kuma avec Casbrick. Puis Female, Failure encore, Surfer Blood, Matter of Time et Venture Free. En ce moment même, Failure to Better Oneself. Voilà, vous pouvez retrouver Comme une oreille sur le blog commeuneoreille.blogspot.fr et on vous rappelle que c'est tous les deuxièmes lundis du mois à 11h sur les ondes de Radio Zinzine avec rediffusion les dimanches suivants. À bientôt. Une émission de musique sous licence libre.